professeur. Qui êtes-vous ? Pécus de Pécor, prenez place à droite et à gauche et recevez vos insignes. Greffier. C'est moi, l'âne. Humani,